suppose, sur du papier chiffonné. Ce texte simplement improvisé, histoire de voir si en mélangeant ces mots, je pourrais toujours rester dans le tempo. Tommy Style au micro, ceci ne résonnera pas faux. Je défie les connards et les idiots, j'essaie de m'égaler sur ce flow. Je rappe de la blancheur de ma peau, mon cœur a le rythme d'un négro. T'inquiète, je suis pas raciste, j'adore les couleurs mixtes. D'ailleurs, je salue tous ceux qui m'ont poussé à exaucer mes vœux. Par Kobe du Momo, sachez que vous me manquez trop. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Je me saoule avec du poids pour en tirer le frais. Sur ce rythme, boum boum, je prends la main. Allez, danse avec moi. Ce soir, on est les rois. Ce n'est pas cette mélodie, ça fout droit. Avec un regard bestial fixé sur sa proie. Prêt à décaler dès qu'il se jette sur toi. Allez, danse avec moi, ce soir on est les rois. Je sais pas, cette mélodie, ça fout droit. Qu'un regard bestial, fixé sous sa proie. Prêt à décaler, dès qu'il se jette sur toi. Appelle-moi, le larvin, le connard. Le blanc bec, comme tu veux. Attendant, je m'éclate sur ce son, comme je veux. Tu ne seras jamais le tien. Et si ça ne plaît pas, je n'en peux rien. J'ai emprunté l'hip-hop depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Sur ce rythme euphorique, magnifique, psychédélique, hypnotique, automatique. Restera dans mon trip, que tu le veuilles ou non. Je m'en bats les couilles, non. Et si tu me critiques, c'est que t'es jaloux sur mon son. Et ça se comprend, un tel son, un tel style. Ça ne peut qu'être du Tommy Style. Et si tu ne connais pas, il serait peut-être temps de te mettre sur les rails. Sur ce rythme, boum boum, je prends la main. Allez, danse avec moi, ce soir on est les rois. Si tu sais pas, cette mélodie, ça fout droit. Avec un regard bestial, fixé sur sa proie. Prêt à décaler, dès que j'ai sur toi. Allez, danse avec moi, ce soir on est les rois. Si tu sais pas, cette mélodie, ça fout droit. Avec un regard bestial, fixé sur ta proie. Prêt à décaler, dès que j'ai sur toi. Troisième couplet, histoire de dissuader les prétentieux. Dès que je me mets sur la piste, je mets le feu. Je commence par bouger la tête, pour pouvoir me mettre dans le rythme de la fête. Je me retourne en bougeant les épaules, et je m'aperçois du monde qui est déjà dans les halls. Voilà, je baisse du pied, cette fois-ci on y est. Je suis dans mon trip personnalisé, plus rien ne m'arrête. Je me sens si bien dans mes baskets, j'ai l'impression que les basses font partie de moi. Est-ce que tu peux en dire autant de toi? J'ai l'impression que c'est moi qui mets le son. S'il vous plaît, mettez le volume à fond. Sur ce rythme, boum boum, je prends la main, je prends la main. Allez, danse avec moi, ce soir on est les rois. Si tu sais pas, cette mélodie, ça fout droit. Avec un regard bestial fixé sur sa proie. Prêt à décaler, dès qu'il jette sur toi. Allez, danse avec moi, ce soir on est les rois. Si tu sais pas, cette mélodie, ça fout droit. Avec un regard bestial fixé sur sa proie. Prêt à décaler, dès qu'il jette sur toi. J'ai posé mes pieds sur cette piste bien serrée. Pour que c'est pas simplement improvisé. Histoire de voir si en solo, je pourrais toujours rester dans le tempo. Tommy Style au micro, ceci ne résonnera pas faux. Je défie les connards et les idiots. J'essaie de m'égaler sur ce morceau. Je rappe la blancheur de ma peau. Mon cœur a le rythme d'un négro. T'inquiète, je suis pas raciste, j'adore les couleurs mixtes. D'ailleurs, je salue tous ceux qui m'ont poussé à exaucer mes vœux. Soprano, Made in Lorco, sachez que je vous kiffe trop. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Je me saoule avec du hip-hop sans tirer le frein. Sur ce rythme, boum boum, je prends la main, je prends la main.